Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient un réflexe. Cette semaine, en rediffusion, Des nouvelles de Guyane, une série de Nejma Bouakra réalisée par Diffie Mariani en 2013. Au départ de cette série, il y a une portion d'Amérique du Sud, une région française en Amazonie. Une terre bordée par la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, un département français qui est aussi une forêt partagée avec le Brésil et le Suriname. Il y a la Guyane avec ses identités et ses langues qui racontent des histoires, celles de l'esclavage, du bagne et de la colonisation. De mauvais souvenirs qui laissent des traces, et puis aussi la contestation sociale qui grandit contre les retards structurels et l'abandon pour demander un véritable accès à l'énergie, l'école, la santé, la sécurité et le travail. Et la certitude qu'il faut réécouter ce qui se dit pourtant depuis bien longtemps. Alors pour commencer, les personnages. Un capitaine, des Amérindiens amers, un sculpteur d'animaux fantastiques, un villageois qui chasse, des orpailleurs, des enfants malades de la pollution, une vieille femme qui a tout vu et un chef de village. Ensuite le décor, le fleuve est d'anciens territoires, de vieux drapeaux, l'esclavage, des savoirs qui se perdent, le feu qu'on allume, la pirogue sur l'eau, la nuit profonde, des singes et même une chenille. Aujourd'hui, 4e épisode, Condescendance du passé qui dure et mosaïque. La Guyane est bien le département français le plus étrange. Et aussi le plus attrayant qu'il soit. Vraiment, quiconque porte un intérêt foncier aux facettes multiples, au feu multicolore du diamant humain, ne peut mieux faire que d'aller en Guyane. Certainement. Je m'évertue à marquer ses particularités. Qui sont... Sa forêt vierge, sans doute, ses grands fleuves et leurs pittoresques sceaux. Sa faune aussi, bien sûr. Sa faune animale et sa faune humaine, pourrait-on dire. Oui, en effet, les bagnards, les nègres marrons... Les boches, les bonis, les saramacas... Et les peaux rouges, les indiens caraïbes... Ah oui, ceux-là, ce sont les autochtones. Oka, quelle nouvelle d'Amazonie? Les galibis, les émerillons, les oyaricoulés, les oyampis, les palicours, les roucouyennes... En singulier concours de cause, y a rassemblé côte à côte, sur... En espace, en somme, réduit la plupart des grandes traces humaines. Eh bien, voulez-vous que nous récapitulions? Eh bien, indigènes, indiens, aborigènes, européens, syriens, chinois, hindous, arabes, noirs, africains. Et tous les croisements, tous les métissages que cela entraîne. Bien entendu. Ainsi, pour poursuivre une enquête ethnologique, rempliront mieux de types, de nuances, d'expressions humaines, les pages d'un album microcosmique. Il n'y a que peu de pays au monde comparables à la Guyane française. La Guyane, peuplée sur le littoral, demeure une terre peu connue et investie en son cœur amazonien. Ses frontières, tardivement fixées, à l'ouest en 1891, à l'est en 1900 et au sud en 1956, sont toujours sujettes à des contestations. La carte du pays voisin, le Suriname, en témoigne. Si la Guyane devient un département français en 1946, le territoire de l'Inini, qui recouvre toute l'ancienne colonie à l'exception de sa bande côtière, demeure régi par un gouverneur jusqu'en 1969. L'attribution de la nationalité française aux populations du fleuve se fait en bloc, scellant ainsi l'allégeance à un droit français, à une tutelle pourtant très éloignée des modes de vie en présence. Donc il va prendre. So, atapu? Hein? Nisataki go? Nyes ataki. So, il demande est-ce qu'il peut parler. Capitaine Apodo est bien connu à Marepasoula. Il vit dans une large et grande pièce unique, avec sa table, sa bouteille de tapia, eau-de-vie miraculeuse contre les maladies vénériennes, un lit en fer et à sa tête un drapeau brodé. Il impose le respect, l'heure et le jour de la rencontre. Hier, à date de l'opportunité, nous passons un pays d'amis qui est un pays d'amis. Si tu es un pays d'amis, tu es un pays d'amis. Mais, à Gama, tu es commandé pour 8 capitaines. Moi, capitaine Apodo, je m'adresse au grand mot qui commande tous les capitaines. À Gama, tu es commandé. Au nom de tous les dieux, Et Diodun, et vous autres qui nous protégez, je ne voudrais pas trahir notre communauté. Je ne veux pas dire quelque chose qui puisse vous fâcher. Je suis capitaine Apodo Blakaman. Et j'aide l'ensemble de la population qui a besoin de moi. La population me demande lors des décès, pour tous les problèmes de la vie, si quelqu'un est perdu dans la forêt, s'il y a un blessé grave, pour résoudre les problèmes dans la famille entre les jeunes. Les capitaines sont toujours demandés pour résoudre toutes sortes de problèmes. Vous avez quel âge, capitaine Opodo? Moi, j'ai 100 ans. Parce qu'au moment où je suis né, des villages existaient qui aujourd'hui ne sont plus. Et cela fait 100 ans. Mais sur mes papiers, ils ont noté 90 ans. Monsieur Opodo, quand est-ce que vous avez eu des papiers français? Est-ce que vous êtes citoyen français? À l'époque du grand Mantolinga, j'ai eu des papiers et je suis devenu capitaine. Mais à l'époque du grand Mantifou, il n'y avait pas de papiers français, mais j'étais déjà un homme. Qu'est-ce que vous avez appris des Amérindiens et qu'est-ce que les Amérindiens vous ont appris? Les Amérindiens vivaient dans la forêt. Et c'est du temps du grand Man Awansai qu'ils ont ramené les Amérindiens de la forêt vers le village Boni. Ils vivaient dans la forêt comme des animaux. Donc à l'époque, le grand Man Awansai a été chercher une femme amérindienne. Enfin, plus exactement, acheter une femme. Il a fait des enfants avec cette femme et c'est à ce moment-là que nous sommes devenus amis avec les Amérindiens. Pendant longtemps, les Boni ont résisté de saut en saut, de rapide en rapide, et ont gardé des territoires sur le fleuve, des territoires sur lesquels ils considéraient qu'ils pouvaient vivre paisiblement. Aujourd'hui, est-ce que ce territoire existe toujours? Nous, les Aloukous, après être sortis de l'esclavage et du Suriname, nous nous sommes enfuis par les fleuves à Tapanohimi et nous nous sommes installés sur les fleuves car nous sommes les maîtres du fleuve. Nous ne sommes pas passés par la forêt. Nous, les Boni, les Aloukous, c'est nous qui dirigeons toute cette partie du fleuve. Nous ne reconnaissons ni les frontières françaises, ni les frontières hollandaises, ni le Suriname, ni les frontières de la Guyane. Nous dirigeons l'ensemble du fleuve de Saint-Laurent à Ntani. Toute cette partie nous appartient. C'est ce que m'ont raconté les anciens. J'ai le drapeau que les Français nous ont remis lorsque la paix a été conclue, signée avec les Français. C'était il y a très longtemps, après l'esclavage, après les guerres avec les Français. J'ai ce drapeau-là comme preuve devant vous. C'est un drapeau qui signifie un traité de paix. Et ce traité de paix marquait votre territoire. Cela doit être écrit quelque part. Comme je ne lis pas, je ne peux pas vous dire exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai, ce drapeau. Ce que je sais, c'est que c'est vrai. Comment, monsieur Opodo, vous regardez alors le maire de Maripasoula? Comment vous regardez le président de la République française? Oui, non, oui. Le territoire a été vendu à des gens qui vivent en France, achètent des parcelles. Alors que ce territoire nous appartient. Nous ne maîtrisons plus certains espaces de ce territoire, malgré les traités anciens. Qui a fait cette condition avec la France? Partout où nous allons pour faire la moindre chose, il faut des autorisations. C'est l'orpaillage illégal qui a amené ce problème. Est-ce que vos arrière-petits-enfants, vos arrière-arrière-petits-enfants gardent le même esprit que vous? Depuis qu'il y a Baka, nous y en a sommes boudins et tekileli. Les enfants d'aujourd'hui, la plupart vont à l'école. Parfois, certains n'y apprennent pas grand-chose. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils divulguent leur savoir. Pour nous, c'est un souci. Quand on transmet aux enfants, eh bien, ils parlent, révèlent des informations. Je préfère garder ça pour moi et mourir avec ces choses secrètes. Le secret, c'est si important que ça, de garder le secret? À cause de la méconnaissance de certains pouvoirs, ils divulguent les secrets familiaux. Mais est-ce que l'esprit des grands ancêtres est toujours dans la communauté? Il est toujours présent, là, sur le fleuve, quelque part. Mais je ne peux pas vous dire où il se trouve, ni vous en parler. Je suis trop petit. Vous vous êtes toujours protégé? Oui, ça existe toujours. Il y a des gens qui travaillent sur le grand marina, là où se trouvent nos terres sacrées, là où sont nos outils spirituels. Nous avons décidé de réagir. D'ici, nous avons utilisé la puissance. D'ici, jusque là-bas. Nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Je vous donne un exemple. Les arbres sont tombés sur les Brésiliens. Puis les Ducas se sont entretués. Oui. Je vous le dis, le pouvoir existe toujours. Les populations du fleuve, Boni, Djouka, Saramaka, hommes et femmes libres issus des communautés fugitives maronnes, gardent toujours le fleuve, ses seaux et ses lignes de fuite. Nous abordons cette zone frontalière du Maroni qui cristallise les marges nationales non intégrées. La pirogue remonte vers le sud et longe la frontière avec le Suriname. Nous glissons de saut en rapide sur le Maroni. Le fleuve est un axe de pénétration de l'univers forestier. Il se révèle être une véritable artère de vie et d'échange. Nous accostons à Talhuen, en pays amérindien. Les Wayana ont reflué de la forêt vers ce bassin de vie fluviale. Une boîte postale, une fontaine, ces installations récentes font la joie des habitants. Le village ressemblera bientôt à une vraie commune, nous dit-on. Et on se met à rêver de l'électricité. J'ai fait un petit banc. Petit banc de Wayana qui... Celui-là, c'est un tapu. En bois, c'est un cèdre. Cèdre de Guyane. Peinture, c'est peinture naturelle aussi. On prend du jus d'écorce de la forêt et on noircit avec le fumet. On récupère du fumet qui noircit et on mélange avec. On va les couvrir avec une vieille poterie et ça fait peinture après. En fait, je m'appelle Aluki Tassikale. Mon nom de famille, c'est Aluki. Prénom, c'est Tassikale. Je suis origine de Wayana. On fait toute qualité de modèles de motifs. Il y a motif de chenille et il y a aussi motif de jaguar. Et du crapaud. Donc voilà, c'est ce qu'on fait sur les vanneries. On peut mettre aussi sur les bois. Parce que c'est un peu symbole à nous aussi, comment dire. Parce que tout l'animal, là, on avait trouvé dans la forêt, il y avait des animaux qui étaient un peu méchants, si tu veux, qui tuent des Wayana qu'ils ont déplacé des villages. C'est pour ça qu'on le met sur les ciels de case. Et aussi sur les vanneries. C'est un peu comme notre livre, par exemple. Parce qu'on ne fait pas de livres. Nous, on ne connaissait pas écrire, on ne connaît rien du tout. Donc notre livre, c'est ça. Raconter, en même temps faire des dessins. C'est comme ça, en fait. Voilà. Pourquoi il fait frais sous ce toit? C'est un carbet traditionnel, c'est fait par les feuilles de vaille. Où on dort, ou aussi où on mange. Carbet cuisine, carbet où on dort. Aussi pour le bois, où on met le bois. Et ça, c'est un tokushipan, ce qu'on dit. On fait la réunion, on fait la fête, on fait aussi le carbet passage. Si les gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas de famille, peuvent dormir, on peut accueillir là-dedans. Quoi. Et celui-là, qui est, je crois qu'il est 13 mètres de haut. Et diamètre, c'est 15 mètres. Donc, on peut poser des hamacs. Combien de hamacs ici, là? Ben, ici, tu peux mettre d'hamacs, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Comme ça ou comme ça. Ou, je ne sais pas, il peut dormir peut-être 30 personnes ou 40 personnes dedans. Voilà. Tout au-dessus de nos têtes, donc il y a de l'argile peinte, et puis je crois avoir une tortue, un poisson, des animaux magiques aussi peut-être. Oui, en fait c'est un ciel de case. Le ciel de case, c'est que c'est notre livre, c'est le livre de Wayana. Donc c'est comme ça qu'on apprend. C'est pour ça que tout le monde, tous les enfants, si leurs parents a expliqué tout, raconté toute l'histoire, ils peuvent rentrer dans le Tokushipan. S'ils regardent là-haut, ils savent très bien qu'est-ce que ça veut dire. Votre animal préféré à vous, c'est lequel? En fait, il y a cette tortue qui présente là, c'est mon préféré, parce que c'est un autre symbole. C'est lui, c'est créateur de les hommes. Et c'est pour ça que je préférais la tortue. Et en même temps, le ciel de casse, ça présente comme comment protéger tous les gens qui viennent de d'extérieur dormir dans le Tokushipan. En fait, c'est ça qui protège, en fait. Ça ne donne pas de maladies, je sais, quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Et ni aussi, ce que j'ai compris aussi maintenant, parce que je n'ai pas encore vu de termites qui viennent dans le Tokushipan. Il restait tout le temps propre. Donc maintenant, j'ai compris très bien. Peut-être que ça fait partie de protéger aussi. C'est peut-être grâce au... Grâce au ciel de case. Au ciel de case. Ouais. Et alors, il y a un animal, moi, que j'aime bien. Mais c'est un animal un peu maléfique, enfin, qui a un rôle particulier. Ouais. C'est la chenille. Ah, oui. Il y a deux différents de chenilles qui présentent. Ils s'appellent Tokokoshi. Il y a aussi Kuluayak. Il y a longtemps, depuis qu'on déplaçait de village dans l'autre village, nous, on n'avait pas de pirogue, nous, on marchait dans la forêt. Et on a trouvé cet animal-là. Et il y a beaucoup de personnes qui meurent. Parce que l'odeur, il était tellement fort qu'on peut tuer même, quoi. On meurt. Elle pouvait tuer la chenille par l'odeur. Voilà, par l'odeur. Ouais. Et la chenille, elle pouvait aussi imiter toutes les autres formes des animaux. Tout, tout. Nous, on appelle ça kutupsi. C'est lui qui fait tout imiter de toucan, par exemple, des singes, tout. J'ai entendu la nuit, quand j'étais chasse et pêche, moi, on avait entendu, parce qu'on était quatre personnes, on a entendu carrément cette kutupsi. Et ça existe. Donc nous, on a entendu la pleine nuit, comme ça, il n'y avait pas de toucan qui dormait la nuit, et j'ai entendu les bruits. Après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est, quoi? Mais pourquoi j'ai jamais entendu de toucan qui chante la nuit? Et tout le monde dit, ah non, je crois que c'est kutupsi, quoi. Donc voilà. Et ça fait peur. Mais bon... ça fait peur, mais bon, comme nous, on est habitué à écouter des choses comme ça, on restait là. Mais il ne bouge pas, il restait tranquille. Il boyait, il chantait jusqu'à 5 heures du matin et il n'y avait plus rien. En fait, il fait imiter comme ça, peut-être le toucan qui vient et hop, voilà, il a chopé. Ils peuvent imiter tout l'animal. Il a faim, quoi, donc il fait imiter pour que l'animal approche à lui, quoi. Et vous êtes un grand chasseur? Oui, moi c'est un grand chasseur depuis ma naissance plutôt, mais bon, depuis je commence à faire pêcher depuis à l'âge de 8 ans, en fait. Voilà. En ce moment, la lune est toute petite. Donc il paraît que c'est une bonne période pour la chasse et que peut-être il y a des caïmans pas très loin. Vous chassez toujours les caïmans, vous? Oui, nous on aime bien. Ouais. Comment on chasse les caïmans? Ben, en fusillé, puis sinon en sabre. La nuit, on cherche avec la lampe, l'enfantale. On peut trouver des yeux qui brillent. Et voilà, on approche. Il bouge pas, il est tranquille. Mais sinon, des fois, on trouve dans l'eau. Il plongeait bien tranquille. Là, on peut attraper à la main. Et il ne te voit pas. Mais les yeux, il est toujours ouvert. Au fond, il y a une petite lunette qui tombe. Pip. Comme une lunette, quoi. Pip. Et tu peux attraper. Tu peux attraper par la bouche et par la queue. Comme ça, il ne bouge pas. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon chasseur? Il faut passer le maraquis. C'est là qu'on apprend pour devenir comme un grand chasseur. J'avais passé mon maraquis il n'y a pas longtemps, 2004. C'était fourmi flamande. J'avais fait passer par fourmi flamande. Et on fait piquer par fourmi flamande pour gagner la force des fourmis, en fait. Parce que les fourmis travaillent toute la nuit et toute la journée, sans arrêt. Donc il faut gagner cette... de la force, là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas détruire non plus, il ne faut pas manger n'importe quelle viande et de poisson. Comme ça tu peux garder pendant longtemps, mais si tu manges n'importe quoi, tu fais maraquer pour rien. dès que j'avais fait de maraquer après maraquer, c'était carrément bien léger, bien en forme en fait. Maintenant, ça commence à tomber un petit peu parce que je vois que je commence à voir faible un petit peu. Vous avez l'impression que vous perdez un peu la force du maraquer? Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai mangé n'importe quoi, j'ai pas le choix. Donc ça détruit un petit peu, je crois. Maintenant, je suis un peu froid tous les matins. Mais après de Marrakech, j'ai pas été froid du tout, du tout. C'est pour ça que je vais refaire, je crois, en 2014. Je vais organiser le Marrakech. Je me rappelle à l'âge de 8 ans. Tu vois, c'était une surprise pour nous. On ne savait pas que moi faisais du cachiré. Moi je venais comme ça, allez voir. D'un seul coup, ils m'ont tenu, quoi. Pop. Et ils ont sorti le bout de machin avec plein de fourmis dessus. On a commencé à me faire piquer partout. Mais ça encore, ça fait pas mal, ça fait mal quand même, mais ça dure pas longtemps, peut-être 3 à 5 minutes seulement, et tu sens plus la douleur. Tandis que le vrai maraquet, ça peut durer peut-être 24 heures ou bien 48 heures. Hein. Tu peux même pas t'allonger, tout le corps, ça te pique et tout. Tu trembles partout et t'as peur, et quand ça te pique, c'est comme une piqûre d'abeille, quoi. C'est 10 abeilles d'un seul coup, et si t'es encore, il faut que tu sois costaud, quoi. Il faut. Moi, j'avais pleuré, comme si tout me faisait mal, là, les pieds, là, le corps, le ventre, là, le dos, tout ça, ça te fait. Ça fait vraiment mal. Demain, ça commence à quelle heure, le maraquet? Ça commence tôt. Généralement, aujourd'hui, ils vont commencer à boire, à saouler la personne, à donner à boire du cachiré. Tôt le matin, vers 5 heures du matin, c'est là qu'ils commencent à poser le maraquet, les fourmis, quoi. Ça se termine le lendemain? Ouais, vers jusqu'à 10 heures. Et après, la personne qui a passé le maraquet... Il va plus boire pendant une semaine, plus manger n'importe comment. Que des petits yaya, qu'on appelle chez nous, sans salé. Petit poisson? Ouais, sans sel, avec le piment boucané. Là. Rien que ça. Elle ne porte plus de collier de perles, mais des bijoux en argent. Françoise a quitté le village adolescente pour y revenir adulte, pas tout à fait la même. Un destin partagé par la plupart des jeunes Amérindiens. C'est souvent à la période des saisons sèches qu'on commence à couper de l'herbe. Et après, on coupe des arbres. Et puis on attend un peu, au moins 5 jours on va dire, que ça sèche, et puis on brûle. C'est à ce moment-là qu'on commence chercher des tiges de manioc pour replanter dans sous le sol. Et puis on creuse avec des pelles, par exemple. On met 3 ou 4 tiges dedans et on met de la terre sur le trou qu'on a creusé avec la tige au fond. Nous, on n'est pas comme les Occidentaux, on va dire. Mais la nourriture, principalement, c'est le poisson, cassave, soit du couac. Pour chercher les maniocs afin de faire du couac, vous allez à la bâtie. On plante des bananiers, des dachines, des agrumes comme le mandarinier et puis les orangers. Il y a des gens qui plantent aussi des aubergines, des concombres, tout ça. Ça, c'est ce que j'ai dans mon abatis, des patates douces, tout ça. Tous les matins, je vois mon grand-père qui se lève. À 6 h du matin, il se prépare. Il boit son petit café et puis il part directement travailler à l'abatis. Mais personnellement, j'en ai au moins 3 abatis avec ma mère. On va dire que c'est un peu notre raison de vivre. Je suis moitié modernisée, moitié traditionnelle en fait. Du coup, traditionnellement, je vais à l'abatis, par exemple. Je vais toucher la terre, je vais transporter le katouri, et puis je fabrique mon kachiri. Alcool traditionnel, on va appeler comme ça. Ouais. Ça, c'est vivre traditionnellement, quoi. Et après, vivre comme sur le littoral, c'est autre chose. Et puis notre langue maternelle, c'est le Wayana. Mais après, ça a changé beaucoup depuis parce que on mélange beaucoup en fait. On met du créole, on met du français, on met un peu du taki-taki au fond. C'est franchement, la langage a changé. Parfois on invente le mot. Comme dans ma famille, il y a un de mes frères. Un jour, elle a fait rigoler mon grand-père disant Honnête, alors que Honnête, pour dire viens manger, c'est Katounette. Et au lieu de dire ça, il dit Honnête. Bon, c'est un mot inventé, comme m'a dit mon grand-père. Ouais. Comment vous imaginez votre avenir? Déjà, bon, ça a changé beaucoup depuis. On va à l'école. Après, on est obligé d'aller étudier à Cayenne, par exemple, à Maripasoula. Moi, ça m'a changé un peu. Une fois que je suis partie à Maripasoula et à Cayenne, et puis quand je suis revenue, la télévision me manquait, par exemple. Aller à la plage me manquait. Et puis, comme on n'a pas de réseau, des contacts téléphoniques, ça me manquait. Et après, quand je restais là, avec mes parents, c'était différent. J'avais changé, on va dire. Ouais. Ça a toujours été difficile. Comme mon père est décédé, ma mère est obligée d'acheter les poissons, les viandes, bon, tout ce qui est gibier, tout ça, on l'achète. Comme on était 3 personnes, c'était à la fin, ma mère n'avait rien du tout. Elle faisait des crédits au moins jusqu'à 100 euros. Et puis, il fallait payer les 100 euros. On voyait de l'argent au moins 300 euros pour payer la famille d'accueil à Cayenne, pour nous mettre de l'argent de poche, pour racheter les uniformes, par exemple. Des chaussures pour renouveler les paires de chaussures, tout ça, c'était quasiment à la fin. On était malheureux. Bon, pour moi, j'avais de la force. Là, on entend une pirogue. Une pirogue, il y a 3 passagers qui montent. Je crois que ce sont des gens, des orpailleurs clandestins qui montent. Benoît Jean, délégation du parc amazonien. Donc vous voyez cette crique qui vient du Suriname donc et qui se jette dans le Maroni et vraisemblablement orpaillée. On voit la couleur très café au lait de cette rivière qui résulte en fait de nombreuses matières en suspension, de boue présentes dans l'eau, caractéristiques d'une activité d'orpaillage en amont. Cette boue encrasse le cours d'eau, empêche les poissons se nourrissant via la vue de se nourrir correctement, les algues qui ont besoin de la lumière du soleil de se développer. C'est donc tout l'écosystème de cette rivière qui est profondément modifié. On est sur le territoire du Suriname, ici ? Oui, on est à l'embouchure d'une rivière se jetant en Suriname. On reste encore sur le Maroni, qui est un fleuve international. Alors de ce côté, c'est le Suriname. De l'autre côté, on est en France. La pirogue flotte et donc du coup, nous n'appartenons là pour l'instant ni à la France ni au Suriname. Exactement. Les forces de l'ordre françaises, les gendarmes, ne peuvent pas arrêter cette pirogue parce que nous sommes en zone internationale. Donc on peut circuler en toute tranquillité en transportant du matériel pour l'orpaillage, voire de l'or, sans souci. Tant qu'on ne s'amarre pas côté français, les forces de l'ordre restent impuissantes. Donc elles s'amarrent au milieu du fleuve ou côté Suriname pour avoir cette protection. Au Suriname, les permis miniers sont beaucoup plus faciles à obtenir aussi. Cette barge qu'on a pu observer un peu plus haut, là. C'est comme une petite maison, vous voyez, là. Il y a un tuyau qui se jette dans l'eau à l'avant, que vous voyez là à droite, et qui aspire ces sédiments, qui les ramène sur la table que vous voyez en pente, et qui récolte l'or de ces sédiments. Combien de personnes travaillent sur ces barges ? Parce que là, on ne voit personne. Il y a 3-4 personnes. Et ça rapporte ? Ça peut rapporter beaucoup. L'or, il est facile de le transporter. Ça pèse pas énormément, c'est des petites marchandises, c'est beaucoup plus difficile d'achalander, de faire transiter toute la marchandise nécessaire à cette exploitation-là. De toute façon, les réseaux sont bien en place pour pouvoir rapatrier cet or via différentes filières, notamment par le Suriname. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, de trouver des orpailleurs dans cette immense forêt, sur ces milliers de cours d'eau. On peut le croire, mais néanmoins, on a des outils pour déceler la présence des orpailleurs. Cette rivière qui est polluée est le signe qu'il y a très probablement une activité d'exploitation aurifère en amont. Donc ça, c'est un premier signe. Les images satellites nous renseignent beaucoup aussi sur l'activité minière. On a quand même des moyens de détection. On voit les dégrades, les débarcadères, du coup, par lesquels les orpailleurs passent pour se ravitailler. Des moyens sont disponibles pour déceler les présences. Bon. Néanmoins, les orpailleurs illégaux s'adaptent aussi et font en sorte au maximum de camoufler leur présence. Les nouveaux systèmes d'exploitation, avec la lutte qui s'intensifie, ont vu le jour. Des puits sont maintenant creusés pour exploiter de l'or primaire. Les impacts sont beaucoup moins visibles. On regagne les rives françaises ? On circule au milieu du fleuve, on est en zone encore internationale. Kalung kapten Mais oui. Je suis le capitaine Mélanie. Pour quelle maman? Ravie de votre venue. Capitaine Mélanie, autour ici, où se trouve l'orpaillage? Ici, le premier chantier se trouve à 5 km. Willistin, le Degraroche, Bali, Legel sur le fleuve Tempok. Avez-vous entendu la pirogue? Il remonte la nuit. Hier, à la pêche, j'ai croisé une pirogue avec un moteur de 200 chevaux. Et qu'est-ce qui se passe quand on se croise? Il se cache, il ne se montre pas. Capitaine Mélanie, qu'est-ce que ça provoque, l'or, ici au village? Les chantiers d'à côté rejettent du mercure. L'or provoque des malformations à la naissance. Depuis que je suis capitaine, j'ai vu de nombreux enfants mal formés à la naissance. Et puis des enfants sourds et muets. Dans les autres villages aussi, c'est pareil. J'ai appris que manger certains poissons ou se laver dans le fleuve peut provoquer des malformations. C'est à cause de la consommation de poissons avec des dents, les carnassiers. Ce n'est pas à cause de la boisson alcoolisée ou cachée. Moi-même, j'ai mal aux articulations et je ne bois presque pas. Mais je mange du poisson contaminé par le mercure. Et j'ai mal au corps. Ici, trois enfants sont sourds et muets. D'autres enfants ne peuvent pas se tenir. On ne voit pas trop de solutions pour les enfants nés comme ça. Il est 7h30 du matin au village, et ce matin, on peut voir des personnes transportant du poisson, des poissons carnassiers. On peut voir des personnes continuer à manger du poisson au village. À la pêche, on trouve beaucoup de poissons carnassiers. Si on a un peu d'argent, on achète du poulet. Mais sinon, on retourne pêcher. Vous choisissez de certains poissons plutôt que d'autres ou vous mangez tous les poissons? On ne choisit pas. On peut vouloir un poisson, mais ce n'est pas celui-là qui tire le fil. Alors, on mange le plus facile à pêcher, c'est le poisson carnassier. Les plus contaminants, le loui, la mara, les plus près et les plus simples à pêcher. Cette petite fleur là, normalement on pêche avec. Tu mets un petit hameçon dessus, et avec du canne à pêche, j'attrape. Tu pêches, on pêche de pakuzing, des moloko, du poisson comme ça quoi. Ça tire les poissons? Oui, ça tire les poissons, et ça flotte. Ouais. Ça c'est ça, genre. Qu'on vient d'entendre? Des singes l'or. Les singes l'or, ça pèse à peu près jusqu'à 25 kg maximum. Ouais. Et on les mange quoi. Et vous les chassez comment? Vous les tirez au fusil? Oui, au fusil. Quand ils sont en train de marcher, par exemple, là, manger ou bien. C'est là que tu les tues, quoi. Quand il marche sur la cime des arbres. Oui, oui, oui. C'est là qu'on le tue, quoi. On le tue dessus. Pierre, vous laissez à l'oreille? Oui, à l'oreille. Et voir aussi. Avec le nez, ouais, on sent le. Par exemple, le pécari, on sent l'odeur, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme parfum qu'on peut reconnaître? Cochon bois, ouais. Cochon bois. Le babouin. Le babouin, on les chasse au fusil. Généralement, ils sont plus hauts sur les canopées et il faut bien les viser pour qu'il puisse tomber d'un seul coup. Parce qu'on commence à le tuer partout sur le ventre et puis il s'accroche et puis il ne va pas tomber. Ah, ah oui, il est là. Créé en 2007, le parc amazonien s'étend sur 3,4 millions d'hectares. Ses missions sont celles d'un parc classique, préservation du patrimoine naturel, mais ici s'ajoute à sa vocation initiale celle de protéger les populations vivant sur ces terres. D'est en ouest, sur une bande couvrant près d'un tiers du parc, l'orpaillage menace les communautés, modifiant les échanges et les trajectoires individuelles, monétisant les relations sociales. Depuis près d'une année, le parc amazonien sollicite les populations du fleuve afin d'élaborer une charte encadrant la chasse, la pêche, son commerce, tentant de circonscrire une économie de subsistance qui n'épuise pas les ressources. Le parc amazonien avance, tout en dérogation, à pas feutré, sur une réglementation des pratiques culturelles et sociales. Les chefs de village interrogent les velléités de cette toute nouvelle autorité. Au printemps 2013, les maires donneront un avis définitif sur cette charte, déterminant l'avenir des communes, sur les bords ou à l'intérieur du parc. L'Amazonie appartient au peuple amérindien et bushinongué, les Nagmarons. Atipaya Aloike, chef coutumier représentant du grand monde des Wayana à Maipoti Twenke. Autrefois, on habitait plus loin dans la forêt. Les Aloukous vivaient déjà ici, près du fleuve. On vivait simplement de la chasse et de la pêche. Quand nous nous sommes rencontrés avec les Aloukous, nous avons pu échanger des lignes, des sabres, le sel et les machettes. Nous sommes redescendus et on est restés là. Aujourd'hui, on est sédentarisé. Là, je pense que nous allons mourir ici. Aujourd'hui, les villages se regroupent, les autorités changent aussi, le rapport aux autorités change. Qui décide aujourd'hui de votre mode d'existence avec ces changements? Nous sommes inquiets. Les élus politiques, ils vont, ils viennent et ne tiennent pas toujours leurs engagements. Ils peuvent changer d'idée. On est bien conscient de ça. Êtes-vous prêt à participer à une co-gestion de la forêt avec le parc amazonien? Au Suriname, de l'autre côté du fleuve, le parc naturel a pris tous les bois, la chasse, les ressources. Alors nous, au début, on a hésité vraiment. On était méfiants. On ne connaissait pas le rôle du parc de ce côté-ci. Mais maintenant, on commence à travailler avec eux. Oui, on collabore. Pierre, Je suis prêt à travailler avec le parc parce que nous ne chassons pas n'importe comment. Les oiseaux, par exemple, ou le singe à tel, nous le tuons seulement lorsqu'il est gras. Comment vous négociez avec le parc amazonien votre droit de chasse, de cueillette et de pêche? Chez nous, ça ne se négocie pas. Si on va à la chasse, on tue le gibier. Chasser, c'est ce que nous avons toujours fait. Vous considérez que l'État ou le parc amazonien n'est pas légitime pour poser des interdictions qui concernent vos modes de vie? Oui, c'est vrai que pour nous, c'est difficile, ces nouvelles interdictions. Nous ne décidons pas de ce que nous allons manger à l'avance. On ne sait jamais ce qu'on va trouver à la chasse. Ici, on n'a pas de supermarché. On n'ouvre pas de congélateur. On mange ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les enfants du fleuve ici, dans les 10 prochaines années? Les enfants ne pensent pas pareil. Peut-être qu'ils ne vont pas m'écouter. C'est à eux de savoir ce qu'ils vont faire pour plus tard. Merci à Jean-Maurice, à Mickey, Benoît, Félix et Pierre, au parc amazonien et à la délégation du Maroni. Avec le soutien d'Air Caraïbes. Attachée d'émission, Christine Gage et Eve Etienne. Coordination, Irène Omalianenko. Prise de son, Marcos Darras. Mixage, Olivier Dupré. Oka, quelle nouvelle d'Amazonie? Un documentaire de Nejma Boikra et d'Ifi Mariani pour Sur les Docks. Guyanais, bagnards, protestataires, carnavaleux ou écoliers, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour revenir en Guyane, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour la Grande Forêt, nous réécouter à Saint-Laurent du Maroni, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire, et nous suivre sur Twitter. Et ce week-end, dans le cadre du festival Imagine organisé par France Culture au Centre Pompidou, retrouvez le documentaire sur scène avec 10 documentaristes qui viendront sur scène dimanche à midi vous raconter leur documentaire en 3 minutes. Et la semaine prochaine, nous nous souviendrons de l'exposition d'art dégénéré organisée par Hitler en 1937.